réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment, 6 heures ? Bonjour à toutes, bonjour à tous, bon réveil avec France Culture si vous venez de nous rejoindre. Un autre jour est possible, c'est tous les jours de la semaine à 6h du matin ou quand vous voulez en passant par le podcast ou l'écoute en ligne disponible sur franceculture.fr. Depuis le début de la semaine, la médiéviste Julie Pilorger nous raconte le statut des femmes françaises au Moyen-Âge, loin des idées reçues. Dans un instant, le dernier épisode consacré à la délinquance féminine à la fin du Moyen-Âge. Et puis en deuxième partie, l'actualité de la bande dessinée, on va parler de Mickey, entre autres avec Lewis Trondheim. Les femmes au Moyen-Âge, loin des idées reçues, une série avec la médiéviste Julie Pilorger, chargée de cours à la Sorbonne aujourd'hui, 5e et dernier épisode, la délinquance féminine à la fin du Moyen-Âge. Oui, bonjour. La délinquance féminine est un sujet qui a été traité très tardivement, longtemps ignoré par l'historiographie. Alors, soit que la question apparaît moins dans les sources, c'est une réalité, soit si en raison d'une certaine pudeur, hein, c'est Michel Perrault qui l'évoquait, grande spécialiste d'histoire des femmes au Moyen-Âge, une pudeur des historiens qu'on retrouve notamment chez certains criminologues, notamment Paul Cario, hein, criminologue à Pau. J'ai lu récemment dans un de ses articles, il disait que la femme résiste naturellement au crime. C'est naturellement faux, bien évidemment. On estime à peu près la présence des femmes parmi les individus délinquants, hein, ça recouvre l'ensemble des crimes et délits pouvant être commis par les femmes, elle représente à peu près 15 à 20% des individus incriminés à la fin du Moyen-Âge. Alors on les retrouve essentiellement dans la petite et la moyenne criminalité. Voilà, c'est ce que je vais vous dire, ça dépend aussi de la définition de crime. Ouais. Ça dépend de la définition du crime, effectivement, puisqu'on les trouve d'abord présents donc, pour des condamnations de vol, paroles injurieuses ou coups et blessures, sachant que la justice médiévale distingue les coups et blessures des blessures à sang couvrant, c'est-à-dire avec effusion de sang. En tout cas, il est intéressant de réfléchir sur la question de de la violence féminine au sens large, parce que j'inclus personnellement dans le terme de violence également la violence verbale. Ce n'est pas le choix de tous les historiens de la violence, ni les philosophes, mais je pense, à mon sens, la violence ne se limite pas à l'exercice d'une force physique sur autrui. Il est certain que les fabliaux médiévaux, mais également les sources municipales de la pratique, ne manquent pas de mégères à la langue bien pendue. Pourtant, on s'est longtemps refusé à penser la violence des femmes. Pourquoi ? C'est intéressant de remarquer, tout d'abord, que le terme de violence est fondé sur le latin vis, qui renvoie également à la virilité. Comme si, étymologiquement, la violence ne pouvait être que masculine. Or, quand on réfléchit, parmi les grandes figures mythiques de l'histoire des femmes, on trouve quand même un certain nombre de femmes violentes. Ève, par la faute, est responsable d'un certain nombre de vices et surtout d'une série donc, de crimes, une sorte de crime contre l'humanité quelque part. Il y a Pandore, il y a Lilith, il y a la figure de la sorcière. Il y a toujours cette idée, j'avais évoqué la question, la théorie des humeurs qui avait été développée par Galien. La femme, c'est l'être chaud, mou, humide, c'est l'être de passion, alors que l'homme est l'être de raison. L'être de la passion, c'est aussi ce qui peut mener à la violence. Donc il y a, à mon sens, vraiment une ambiguïté, enfin même une contradiction à ne pas vouloir penser la violence féminine, alors qu'on a longtemps fait quand même des femmes, des êtres victimes de leur pulsion, victime bien du péché originel et surtout qui pouvait effectivement avoir la langue bien pondue. Mais ça, c'était présent au moins dans les histoires qu'on se racontait à l'époque, dans les contes. C'est présent dans les contes, effectivement. Mais c'est présent aussi si on étudie... Alors c'est vrai qu'il y a vraiment une distinction à faire. Très tôt, la figure de la mégère, de la femme qui porte la culotte. Hein, d'ailleurs, je me suis rendu compte en faisant mes recherches que cette expression « porter la culotte » renvoie en fait à une série de un type de poème de dits flamands du XIIe-XIIIe siècle qui racontait cette histoire donc de la femme qui porte la culotte. Et on trouve des représentations dans certaines cathédrales. Hein, vous savez que les chapiteaux colonnes présentes dans de nombreuses églises au Moyen Âge rapportent souvent des scénettes de la vie quotidienne. Et j'ai trouvé dans plusieurs églises, en tout cas chapiteaux d'églises, représenter cette scène de la lutte pour la culotte, qui va porter la culotte du ménage. Donc il y a très tôt, effectivement, les spécialistes de littérature médiévale vont étudier cette figure féminine violente. On va tarder à analyser la figure de la mégère dans les sources, en raison notamment donc du manque de sources à ce propos. Donc on redécouvre progressivement des sources nous permettant de traiter la question de la violence féminine. Pour le coup, c'est vraiment chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais quand vous dites la mégère, c'est-à-dire c'est une violence verbale. Pas que. Pas que. J'aime beaucoup commencer ma présentation sur la question de la délinquance féminine par un extrait du Livre Rouge d'Abbeville. Alors Abbeville, qui est une ville qui se situe en Baie-de-Somme, un peu au nord d'Amiens. Le Livre Rouge, c'est un livre de justice compilé entre le XIIe et le XVe, XVIe siècle, qui est une compilation des aux faits et crimes donc qui se sont déroulés dans le comté de Ponthieu pendant ces trois siècles. Et ce livre doit servir en fait comme modèle à d'autres juristes. Alors bien sûr, on va sélectionner d'abord des faits de grande criminalité, mais les femmes n'en sont quand même pas totalement absentes. Et dans ce livre, j'ai trouvé l'exemple d'une femme qui battait à mort son mari. Les femmes sont aussi coupables, eh bien... d'infanticide et parfois d'avortement, ce qu'on appelle l'ENSI, souvent au Moyen-Âge. Et là, on touche vraiment à des crimes physiques. Donc la violence physique des femmes est une réalité. D'ailleurs, si statistiquement elle est moins présente dans les sources, elle a beaucoup plus retenu l'attention des juristes du Moyen-Âge hein, que les petits crimes. Et la plupart de la jurisprudence sur les condamnations spécifiquement féminines, hein, puisqu'on trouve une distinction dans les châtiments, notamment corporels, entre hommes et femmes, est le fait donc de juristes qui ont statué sur les crimes de sang spécifiquement féminins. Et je pense notamment à l'auteur du livre de Justice et de Plaque, un très célèbre livre de justice du XIIIe siècle, et bien sûr les coutumes de Philippe de Beaumanoir. Et on remarque que les crimes de sang qui vont contre la nature de la femme, hein, parce qu'il y a cette idée que la femme donne la vie, donc elle ne peut pas la retirer, sont vraiment traités avec la plus grande violence. Ainsi, une femme victime d'infanticide est placée sous le bûcher, alors que normalement, on réserve la peine du bûcher essentiellement aux hommes, aux sorcières également. Mais la grande période de la chasse aux sorcières, contrairement à ce qu'on croit, c'est plutôt l'époque moderne, et pas tant le Moyen-Âge. On place très rarement en réalité les femmes sur le bûcher, mais plutôt les enfouit toutes vives. C'était une manière, je pense... Eh bien, de ne pas prêter le coup fatal, de ne pas tuer la femme qui enfante, mais on l'enfouit sous la terre, loin du monde, dans l'espace privé, loin de la vie publique. Et donc, on va avoir voilà, toute une législation quant à ces peines corporelles imposées aux femmes qui auraient tué leur mari, tuer leur enfant, ou eh bien tuer parfois aussi des représentants de l'autorité publique, ça arrive. Et cette justice s'applique de la même manière à une femme ordinaire qu'à une femme de l'aristocratie, par bien exemple. Bien sûr que non. Alors, de toute façon, les coutumiers, les livres de justice médiévaux estiment que, en raison de la faiblesse de sens de la femme, elle doit être jugée avec moins de rigueur que l'homme. La renommée de la femme joue énormément dans l'application de la peine ou non. Le fait qu'elle soit entourée compte énormément beaucoup, puisqu'il arrive souvent que des maris prennent sur eux la peine de leur femme. Il faut comprendre aussi que toute une série de crimes, alors là je ne parle pas des crimes contre nature, hein, où là, vraiment, que vous soyez aristocrate, que vous ayez une bonne ou mauvaise renommée, ça, vraiment très dur pour vous de vous sortir de ce mauvais pas. Mais pour des crimes de vol, d'injure, effectivement, on remarquera qu'une femme entourée peine rarement, enfin purge, pardon, rarement sa peine. Une femme qui n'a pas les moyens de payer l'amende purgera peut-être 3 à 4 semaines de prison. Parce que la prison au Moyen-Âge est plus préventive, empêcher le détenu de s'enfuir. Et c'est une peine compensatoire, souvent lorsque la personne ne peut pas payer l'amende qu'on lui impute. Mais il faut effectivement comprendre qu'il y a aussi le droit de main burni du mari, c'est-à-dire la possibilité, on l'évoquait dans la première émission, pour le mari d'exercer un droit de correction sur sa femme. Il est évident que toute une partie des crimes féminins se réglait dans le privé. Julie Pilorget, vous nous disiez en début de série que les femmes au Moyen-Âge, et c'est pour cela que nous avons intitulé cette série « Loin des idées reçues », que les femmes au Moyen-Âge avaient plus de droits qu'avec l'avènement de l'ère moderne. Tout à fait. On observe effectivement un renfermement, une disparition d'un certain nombre de droits pour les femmes au tournant des époques médiévales et modernes. Alors la chronologie est assez vague, varie beaucoup selon le milieu social, mais également là encore géographiquement, puisqu'on estime qu'il y aurait un renfermement très tôt, donc en Italie, au sud de l'Europe, dès le 15e siècle, des femmes sur l'espace privé, alors que ce renfermement n'adviendrait véritablement qu'au XVIe siècle, au nord de l'Europe. Après, il faut nuancer ce qu'on entend par le terme de renfermement. C'est aussi, beaucoup, à mon sens, une disparition des femmes, des sources, et une moindre institutionnalisation ou reconnaissance de leur travail, de leur action. C'est-à-dire que le travail des femmes, contrairement à ce qu'on a pu dire longtemps, ne disparaît pas à la fin du Moyen-Âge. Effectivement, des interdictions vont être progressivement prononcées à leur encontre, mais je pense que certaines femmes vont continuer d'exercer leur métier, seulement ne vont plus apparaître dans les ordonnances, elles ne vont plus forcément apparaître dans les sources, elles vont moins être rétribuées, moins être reconnues pour ce travail. Donc il y a un double mouvement de fermeture, on le voit aussi au niveau du patrimoine. Progressivement, le droit d'aînesse va faire son apparition, la primogéniture, on va privilégier un héritier mâle sur une femme. Ça n'empêche qu'on va pouvoir après trouver des accommodements. Mais on a une série de d'actes qui passent effectivement au niveau de la loi et qui limitent la liberté des femmes. Par exemple ? Alors, je pense que cette limitation se fait sous le coup de 3 phénomènes. Un phénomène tout d'abord politique et juridique. À partir de 1454, le roi décide de mettre par écrit toutes les coutumes du royaume afin d'uniformiser le droit et bien sûr le royaume. Or, la mise par écrit du droit va être à mon sens assez néfaste aux femmes. D'une part, on suppose, même si la question mérite à mon sens d'être reconsidérée, on suppose que l'alignement sur le droit romain des coutumes du Nord a été assez néfaste aux femmes, puisque le droit romain serait traditionnellement plus misogyne. Alors est-ce que c'est vraiment le droit romain ou le droit des premières lois barbares de la basse antiquité ? Je pense que la question mérite d'être travaillée, mais il est évident en tout cas que le droit écrit va être péjoratif pour les femmes, parce que ça va aussi leur laisser moins de latence. Un droit oral, vous avez toujours 2-3 versions de ce droit. Vous avez la coutume de la prévôté qui se surimpose à la coutume du bailliage, qui se surimpose à la coutume de la ville, etc., etc. Et donc je pense que les femmes au Moyen-Âge pouvaient jouer avec cette surimposition, ce millefeuille juridique. Par ailleurs, une fois qu'on fixe le droit, eh bien forcément on le rigidifie. D'autre part, sur le plan économique, la fin du Moyen-Âge, alors que le système des corporations est maintenant bien établi depuis 2-3 siècles, commence à apparaître donc l'idée de monopole. Et on va chercher à fermer les métiers. Alors ça semble être le mouvement de fermeture des métiers semble être plus précoce pour une fois au nord et plus tardif au sud. Mais le fait de fermer les métiers, donc de vouloir créer ces chefs-d'œuvre, ces différents examens, entre guillemets, qui vont sanctionner le fait qu'on maîtrise ou pas le métier, ça va limiter donc l'entrée des étrangers, mais aussi l'entrée des femmes. Puisqu'une femme, si elle pouvait transmettre son métier à son mari par un remariage, pouvait permettre l'entrée d'étrangers dans ce métier. Et donc on va progressivement, je pense aussi, interdire le mariage des femmes, parce qu'il était évident, dans une mentalité chrétienne, hein, c'est aussi la contre-réforme catholique qui s'annonce, c'était impossible, bien sûr, qu'une femme ne puisse pas transmettre son métier à son mari. Et je pense enfin qu'il y a effectivement des mentalités qui évoluent, et à mon sens, mais alors là je m'avance peut-être, la montée de l'individu, la naissance de l'individu, c'est avant tout peut-être la naissance de l'individu masculin, et je ne pense pas effectivement que la Renaissance ait été très favorable aux femmes, et ça renvoie à un article fondateur de John Kenigadol en 77 qui posait ainsi la question. Alors, elle parle à l'époque, je restitue quand même, elle, de l'Italie et de l'amour courtois, mais « Did women have a renaissance ?» Et c'est vrai que les historiens d'aujourd'hui, réfrènent à parler de renaissance quand on fait l'histoire des femmes, et on voit apparaître progressivement maintenant l'idée de première modernité. C'est vrai que les spécialistes du genre, alors en France, on est encore un peu timide là-dessus, mais dans les pays anglo-saxons, utilisent davantage pour étudier l'histoire des femmes, et ce moment en fait assez fort entre la féodalité, où finalement, avec les luttes anti-féodales, une certaine liberté des femmes, et avec l'apparition des villes, va apparaître entre le XIIIe et XVe siècle, et l'avènement de l'ère moderne. On parle de « the end of the Middle Ages and the beginning of the Modern Ages », donc première modernité qui est effectivement moins connotée du point de vue de l'histoire. Merci beaucoup Julie Pilorger, c'était passionnant. La série Merci. Les femmes au Moyen-Âge, loin des idées reçues, est à présent disponible dans son intégralité sur franceculture.fr à la page de l'émission Notre jour est possible. On peut avoir votre bibliographie et tous les liens qui vont conduire à vos travaux plus fournis. Je rappelle que vous êtes médiéviste et chargé de cours à la Sorbonne. Merci beaucoup d'avoir été notre tête chercheuse cette semaine, Julie Pilorger. Merci à vous. Comme tous les vendredis, c'est l'actualité de la bande dessinée en deuxième partie de l'émission, avec aujourd'hui Mickey qui ressuscite dans la sphère franco-belge, ou pour être précis, dans la sphère franco-suisso-belge. Jacques Glénat, l'éditeur français qui avait acquis les droits de la licence BD, et qui avait d'ailleurs fait un excellent travail éditorial, a réussi à persuader la grande multinationale aux grandes oreilles de le laisser proposer à quelques artistes européens de créer des nouvelles aventures avec les personnages de l'oncle Walt. Alors, en attendant Loisel et Thébault à la rentrée, voici donc les deux Mickey Made in Europe. Le premier, signé par le Suisse Cosé, intitulé Une mystérieuse mélodie, est un album très nostalgique, très tendre. C'est l'histoire de la rencontre de Mickey avec Minnie. Et tout aussi nostalgique, la bande dessinée de Keramik Das, scénarisée par Lévi Strandem, mon invité ce matin, qui a pour titre, attention les oreilles, Mickey's Craziest Adventure. Lévi Strandem était de passage à Paris pour nous parler de ce travail très très particulier dans son œuvre. C'est ma Madeleine, moi je disais ça quand j'étais gamin, mais je disais pas les histoires dans le journal de Mickey, je disais les vieilles histoires de Floyd Godfredson des années 30-40 qui étaient publiées dans les journaux à l'époque aux États-Unis. Il y avait un recueil publié chez Hachette, un gros recueil avec une couverture blanche, avec toutes ces histoires-là, recoloriées, mais avec c'était vraiment fantastique de voir toutes ces aventures. Moi, je me souviens d'une histoire de Mickey, qui était Mickey l'île volante. Donc, c'était un professeur qui avait réussi à faire un rayon antigravitationnel. Donc, il vivait sur une île au milieu des nuages, et il avait une voiture volante, et il y a Mickey qui le croise alors qu'il est à bord de son avion, et pour moi, c'était de la folie, parce que il y avait plein d'imagination, plein de surprises, plein d'événements. Et moi, je suis né en 64, et donc je lisais ça en 75. Et il n'y avait pas Internet, il y avait très peu de choses à la télé. Et pour moi, c'était tout ce qui me manquait, c'était de la folie. Et les gamins, maintenant, ils ont tout. Donc forcément, une île volante ou une voiture volante, pour eux, ça ne veut rien dire. Ils ont vu ça mille fois. Mais donc, il y a un background, il y a un passé avec le Mickey en papier. Moi, je pensais que tu avais découvert Mickey comme tout le monde, à la télévision, au cinéma, un Mickey qui bouge. Non, non, Mickey, pour moi, ça a toujours été le Mickey bande dessinée. Je l'ai vu effectivement dans Fantasia, je l'ai vu dans quelques courts-métrages, mais ça m'intéresse pas en tant que personnage animé. Et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que les pages de Mickey, c'est-à-dire les strips qui étaient quotidiens aux États-Unis, qui passaient tous les jours, il y avait genre entre 3 et 4 cases qui étaient faites régulièrement donc par Floyd Godfredson et son équipe, ça apparaissait dans des centaines de journaux tous les jours. Et à l'époque où Walt Disney avait fait Blanche-Neige, Bambi, et il y a un moment où le studio allait mal, il y avait besoin d'argent, etc. Il allait mettre la clé sous la porte, et c'est les bandes dessinées de Mickey qui passaient dans les centaines de journaux tous les jours qui l'ont fait survivre et qui ont fait que Disney a pu racheter un peu plus tard Marvel et Star Wars. Sans la BD de Mickey, il n'y aurait pas tout ça. Lévi Strandheim, est-ce que c'est pas un peu frustrant que de travailler sur un Mickey et de ne pas le dessiner ? Pour être honnête, j'ai essayé de voir ce que je pourrais faire si je vais dessiner Mickey, et c'est tellement pas ressemblant que j'ai tout jeté à la poubelle. Ou alors il aurait fallu que je fasse mon malin, faire une espèce d'animal anthropomorphique. Jeter tout à la poubelle, on a pu voir ça quand même à Lausanne lors d'une exposition. Oui, parce que j'avais fait des choses pour les 75 ans de Mickey, mais faire toute une histoire, c'est trop compliqué. Moi, j'aime vraiment Mickey tel qu'il était dans les années 30-40, avec sa culotte rouge à boutons jaunes. Dans les années 70, il y a eu un pantalon et tout ça. Heureusement, c'est fini, il est revenu à la mode d'antan. Mais j'ai essayé de gérer ce personnage-là graphiquement, et je sais pas. Moi, de toute façon, je me suis jamais senti dessinateur, j'ai toujours voulu être scénariste. Donc ça me dérange pas d'être le scénariste pour Nicolas Kyramidas, et basta. J'ai pas de frustration du tout à ce niveau-là, ça va. Je fais des animaux depuis 25 ans autrement, et c'est bien. Alors, est-ce que quand on travaille pour Disney, même si là c'est via Glénat, est-ce qu'il y a un cahier des charges ? Est-ce qu'il y a une pression ? Est-ce qu'il y a un contrôle pour aller vite ? Alors, c'est ce qu'on leur a demandé à la base. On leur a dit, est-ce qu'il y a, il y a un livre où il y a tout écrit de ce qu'on peut faire et pas faire ? Et Jacques Glénat nous a dit, non, le livre, vous l'avez en vous-même, vous avez le code en vous-même, vous avez tout lu quand vous étiez gamin, donc vous savez ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, vous savez que Mickey ne sort pas de la maison de Minnie le matin, vous savez que, voilà, c'est des relations de d'oncle à neveu, les personnages n'ont pas d'enfants, et vous pouvez y aller, vous faites comme vous voulez. Et c'est ce qu'on a fait avec bonheur. Après, il y a eu quelques petites rectifications, mais pas grand-chose, sur des terminologies. J'avais mis à un moment des personnages qui avaient des plumes dans les fesses, il ne fallait pas mettre des plumes dans les fesses, il fallait mettre des plumes dans le bas du dos. Bon, ça va, c'est pas méchant. Ouais. Mais est-ce qu'on n'a pas envie, justement, d'aller aux limites de ce qui est toléré avec Mickey ? Sans parler de la pression des éditeurs, mais en parlant de ce personnage patrimonial, est-ce qu'on n'a pas envie de le secouer un tout petit peu ? Non, honnêtement, j'ai pas voulu faire le cynique ou le mauvais esprit à ce niveau-là. Je trouve ça déjà incroyable que Glénat ait réussi à faire en sorte que Disney nous laisse jouer avec ces petits jouets en plastique-là. Si c'est en plus pour faire le malin derrière et glisser des scènes avec Mickey au cabinet, franchement, ça n'a pas d'intérêt. Moi, ce que je voulais vraiment, c'était me ressourcer comme ce que j'avais lu quoi, à l'époque, quand j'étais gamin, avec un Mickey un petit peu plus bagarreur, avec un Donald qui lui met des bâtons dans les roues, et puis jouer avec ce duo-là et s'amuser. Non, pas, franchement, honnêtement, le truc, en tant que bon français, et faire son malin, son intérêt, je trouve que ce serait pas honnête. Alors vous faites pas votre malin, vous faites pas votre intéressant, mais vous faites quand même votre intelligent, parce que c'est très intelligent que de rendre hommage à Mickey à partir d'une histoire, c'est-à-dire retrouver des anciennes bandes de Mickey qui auraient existé, mais pas toutes les planches, donc ça vous permet effectivement de mettre en valeur ce qui est très présent et très fort dans la bande dessinée française, c'est-à-dire l'art de l'ellipse. Mais cette aventure de Mickey, elle ne s'adresse pas aux enfants, elle s'adresse à ceux qui, enfants, ont aimé Mickey, mais pas forcément aux enfants. C'est là-dessus que j'aimerais bien savoir ce qui va se passer. C'est vrai que c'est un album de nostalgie, qui est fait pour les gens de mon âge, sans doute, voire un tout petit peu plus jeune. Mais est-ce qu'un gamin va accrocher sur ça? Est-ce que le gamin va comprendre que c'est des fausses pages qu'on aurait trouvées, qu'il y a des fausses pages des années 60, il en manque, il y en a qui ont des taches dessus, il y en a qui sont déchirées, est-ce qu'il va regarder ça bizarrement, est-ce qu'il va être, il va jouer le jeu? Moi j'ai l'impression qu'un gamin, si on lui met entre les mains, il va le lire, et comme c'est déconnant, il devrait s'amuser. Mais je pense qu'il va le prendre au premier degré en disant, oh, c'est un vrai truc de vieux qui a été retrouvé, c'est marrant, c'est sympa, mais bon, vite, je reprends ma PlayStation et je joue. Être scénariste, Lewis Trondheim, dans cette aventure, c'est quoi? C'est juste écrire l'histoire, les dialogues, ou bien c'est suivre aussi, proposer un découpage, avoir un avis sur comment ça sera présenté, sur quel format? Déjà, il y a quand même le concept de se dire, voilà, c'est un fac-similé de vieilles pages, il n'y a pas toutes les pages, il en manque, il y a une ellipse entre les pages, parfois il manque une, deux, trois, quatre histoires, tant pis, ils passent d'un seul coup, ils sont sur la Lune et après ils se retrouvent tout de suite dans l'Atlantide, peu importe, ça n'a aucune importance. C'est une espèce de quintessence d'une aventure de Mickey, c'est-à-dire qu'on sait qu'au début, il y a Patibulaire et les Raptous qui font des bêtises, et on sait qu'à la fin, ça va être résolu. Donc à partir de là, on s'en fout de la résolution. Ce qui nous importe, c'est le voyage. Donc mon but pour moi, c'était de m'amuser, de faire des trucs rocambolesques et faire plein de surprises et des gags. Après, au niveau de l'aspect physique de l'album, c'est vrai qu'il y a un petit vernis sélectif sur le titre en couverture, mais pas sur les personnages, parce que sinon ça ferait pas partie de l'esprit vintage. Mais j'ai fait tous les découpages pour Nicolas Kyramidas, parce que moi-même, quand je fais une bande dessinée, j'écris la bande dessinée. Je peux pas me mettre devant un clavier et dire case 1, il se passe ça, case 2, il faut que je prenne mon crayon, mon stylo, et je trace la case, je fais le bonhomme patate dedans. Il a un petit bec parce que c'est Donald, il y a deux ronds au-dessus parce que c'est Mickey. Ils se disent des trucs, je fais des bulles, et après je donne tout ça à Nicolas. Pour moi, ce serait impensable de faire ça directement sur un clavier d'écran. Je serais paniqué. Il faut, c'est mon écriture, c'est ma façon de communiquer. Donc effectivement, après, heureusement, Nicolas, il aime bien avoir des crayonnés de base, et ça le rassure que je mette un petit peu tout en scène. Mais il a un petit peu de liberté aussi, il peut changer des choses si je me trompe. Merci Lewis Trondheim. Avec plaisir. Si vous voulez réécouter cette interview de Lewis Trondheim ou l'intégralité de la série de Julie Pilorger autour des femmes au Moyen-Âge, une seule adresse, franceculture.fr, et puis en quelques clics, vous aurez tout à votre disposition à la page de l'émission Un autre jour est possible, c'est-à-dire aussi bien le dessin de Kyramidas spécialement fait pour l'émission, la réécoute en ligne, le podcast et même vos commentaires. Je vous souhaite de passer un excellent vendredi, un excellent week-end. On se retrouve lundi avec une nouvelle série. On va parler de polar pour annoncer le festival Quai du Polar à Lyon le vendredi 1er avril prochain. Mais toute la semaine, dès lundi, Hélène Amalric, éditrice, traductrice et auteure de Polar, nous parlera des femmes fondues au noir. Bonne matinée.